Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, l'affaire Gerda Munsinger. J'ai fait la connaissance de Mme Munsinger en août 1959. Je n'ai jamais aucune raison de soupçonner que cette femme agissait à titre d'agent pour un groupe subversif quelconque. Le 11 mars 1966, l'ancien ministre du gouvernement conservateur de John Diefenbaker, Pierre Sivigny, tient une conférence de presse à Montréal, entouré de sa femme et de sa fille, pour réagir aux allégations qui pèsent contre lui. On reproche à Pierre Sivigny d'avoir entretenu une relation intime avec une Allemande aux mœurs légères, Gerda Munsinger, soupçonnée de s'être livrée à des activités d'espionnage pour le compte des Soviétiques. Pierre Sivigny et John Diefenbaker sont en quelque sorte accusés d'avoir mis la sécurité du pays en jeu. L'affaire Munsinger, le premier scandale politico-sexuel de notre histoire, va passionner la presse du pays pendant des mois. Une quinzaine de journalistes canadiens ont envahi Munich aujourd'hui dans l'espoir de pouvoir communiquer avec la mystérieuse Allemande Olga Munsinger. Après quelques heures de recherche, la plupart d'entre eux se sont retrouvés dans un immeuble où habiterait la dame en question. Nous n'avons aucune preuve permettant d'affirmer qu'il s'agit bien de la personne qui suscite actuellement tant d'intérêt, mais tout nous porte à le croire. Durant des heures, j'ai fait le pied de grue devant la porte du confortable appartement. À l'intérieur, les journalistes du Toronto Star, un avocat, un interprète, celle qui serait Olga Munsinger, et un homme d'affaires de Munich qui serait son amant. Au moment où je vous parle, personne d'autre n'a encore réussi à franchir le seuil de la porte. Celle-ci s'est toutefois entrouverte à quelques reprises pour permettre à l'avocat et à l'interprète de chercher, vainement d'ailleurs, à éloigner les journalistes. Selon les informations que nous avons pu obtenir, Olga Munsinger habiterait cet immeuble depuis 3 ou 4 ans. Hier, elle signait un contrat avec le Toronto Star accordant temporairement à ce quotidien l'exclusivité de ses révélations. Extrait de la correspondance du journaliste Raymond Grenier au Radio-Journal du 12 mars 1966. Pour nous raconter l'affaire Gerda Munsinger, je reçois mon collègue, le journaliste Marc Laurendeau. Marc Laurendeau, bonjour. Bonjour. C'est déjà croustillant ce qu'on vient d'entendre. Ça nous met dans cette ambiance de l'époque. Parlez-nous de ça d'abord. L'importance politiquement, mais médiatiquement qu'aura cette affaire, Marc? Ah, c'est un des plus retentissants scandales de l'histoire canadienne. Écoutez, au cours de l'année 66, le Parlement fédéral, l'opinion publique canadienne en sont secouées. Ça frappait les esprits, là, qu'un ministre associé de la Défense ait pu avoir une liaison avec une jeune immigrante d'origine est-allemande, soupçonnée par la gendarmerie royale d'avoir été une espionne au profit de la Russie, oui, de s'être livrée à la prostitution et d'avoir commis un certain nombre de petits larcins, notamment des vols. 59-60, il faut s'en rappeler, c'est l'époque de la liaison présumée, c'était aussi la période la plus intense de la guerre froide, oui, celle, la période qu'on a appelée l'équilibre de la terreur. Alors, vous vous rappelez Kennedy, Cuba par la suite, là. Alors, au Canada, il y a eu des affaires, l'affaire Gouzenko. On est vraiment dans cette période où on lève les pierres pour voir s'il n'y a pas un peu d'espionnage à gauche et à droite. L'expression Gerda, ça aussi, c'est succulent. Ça viendrait de là, être une Gerda. Dans le langage populaire du Québec, l'on dit encore une Gerda ou une vraie Gerda. Ça désigne une belle et spectaculaire séductrice, portée en plus sur l'intrigue. Alors, c'est resté. C'est donc de là que ça vient. C'est incroyable. L'affaire comme telle, Marc, comment, dans quelles circonstances et quand elle éclate, cette affaire-là? Le 4 mars 1966, le ministre de la Justice, Lucien Cardin, subit en chambre un contre-interrogatoire d'un parlementaire plus habile, expérimenté et retors que lui, l'ancien premier ministre John Diefenbaker, devenu depuis 3 ans le chef de l'opposition officielle. Alors là, le vieux lion des prairies le talonne sur un cas de supposé espionnage de la part d'un postier dans l'ouest du pays. Encore une fois, c'est le contexte, là. On cherche des histoires d'espionnage à gauche, à droite. Oui, exactement. Diefenbaker laisse entendre par ses questions que le ministre n'a pas su traiter avec toute la compétence nécessaire ce cas de sécurité nationale. Réponse du ministre Cardin, « What about, monseigneur? » Le chef de l'opposition est mal placé, poursuit le ministre Cardin, pour attaquer le gouvernement sur les questions relatives à la sécurité de l'État, étant donné sa propre conduite, poursuit-il, dans l'affaire Monseigneur. Effroi et mystère. À l'intérieur des communes, en conférence de presse, Lucien Cardin précisera qu'il s'agit d'une liaison qui avait eu lieu sous le régime Diefenbaker, c'est-à-dire le régime conservateur. Ouais. entre le ministre associé de la Défense, Pierre Sévigny, et une certaine Olga Munsinger. Le ministre ne possédait pas très bien son dossier. D'une part, il se trompait de prénom, et par ailleurs, il se fiait un peu trop aux rumeurs disant qu'elle était morte. Alors, c'est comme ça que la bombe éclate. Ouais. Mais comment, Marc Laurendeau, Lucien Cardin apprend-il l'existence de cette affaire-là? Presque tout le monde le sait aux communes. Ah bon? Ah ben oui, y compris Diefenbaker, et tout le monde sait que cette attaque se prépare. Les ministres Guy Favreau, Jack Pickersgill, deux libéraux, ont orchestré cette stratégie vengeresse. Alors, Lucien Cardin ne se trouve que le relais de ces gens-là, des Machiavel dans tout ça. Comme ministre de la Justice, qui a succédé à Favreau, il a eu un accès direct au dossier monté par la GRC contre Gerda Munsinger. Cette immigrante reçue, c'est ce qu'elle est, a fait une erreur fatale, ben on le constate avec le recul, en demandant la citoyenneté canadienne et en faisant appuyer sa demande par le bureau d'un ministre de la Couronne, Pierre Sévigny. Alors, ça ouvrait automatiquement, c'est comme ça dans tous les cas, une enquête de la GRC qui s'est informée auprès des services secrets américains et a appris que les États-Unis lui avaient refusé la permission d'immigrer à cause d'antécédents troubles. La GRC a interrogé Gerda Munsinger, a même cru que des agents russes habitant la même conciergerie qu'elle espionnait. Elle habitait, vous savez, près du Forum dans l'ouest de Montréal. Mm-hmm. Alors, la GRC croyait que les espions russes écoutaient les ébats de Gerda Munsinger et du colonel Sévigny depuis leur appartement en dessous, grâce à des micros. Et de toute manière, la GRC n'a pas pris de chance. Elle a placé une caméra infrarouge dans un électrolier de l'appartement de Gerda Munsinger. Mais ce qui est hallucinant, et avec nos yeux d'aujourd'hui, c'est que, bon, il y a cette manœuvre politique. Les libéraux sont aux prises avec certaines histoires. On soupçonne l'espionnage de la part d'un fonctionnaire. Donc, il y a une manœuvre politique. On va ressusciter, on va ramener cette affaire Munsinger. Mais ce qui est vraiment, avec nos yeux d'aujourd'hui, Marc Laurendeau, complètement étonnant, c'est qu'à l'époque, le premier ministre Lester B. Pearson, les libéraux on l'a vu là, il y a des histoires d'espionnage dans la fonction publique, ça les embête. Donc, ils créent une contre-offensive, une manœuvre politique en se disant « on va ramener l'affaire Munsinger ». Mais ce pourquoi on connaît cette affaire-là, c'est que le premier ministre Pearson demande à la GRC de voir les dossiers de tous les députés qui ont fait l'objet d'une enquête depuis à peu près 10 ans. Incroyable, étonnant. Pearson, après avoir pris le pouvoir, s'est lancé dans une véritable expédition de pêche qui ne serait pas admissible aujourd'hui. Il se prémunissait, en somme, contre les nombreux scandales qui avaient frappé et pouvaient encore atteindre sa propre administration. Alors, les conservateurs dans l'opposition se montraient redoutables et là, ils voulaient les contrer. Il avait une série de dossiers pour les contrer, mais principalement le dossier Sévigny. Le 11 mars 1966, Pierre Sévigny tient donc une conférence de presse à Montréal, entouré de sa femme et de sa fille, pour réagir à l'affaire Munsinger. J'ai fait la connaissance de Mme Munsinger en août 1959. Je la rencontrai quelques occasions durant les mois qui suivirent au cours de réunions sociales. Je n'eus jamais aucune raison de soupçonner que cette femme agissait à titre d'agent pour un groupe subversif quelconque. Et jusqu'à ce jour, je demeure convaincu qu'elle ne fut jamais, ni directement, ni indirectement, un risque à la sécurité du pays. Ce que j'avais quasi oublié, ce qui est tout au plus un très vague souvenir, est devenu un incident international, et ceci en raison de l'attaque vicieuse, poltronne, malicieuse, d'un petit politicailleur de bas étage qui, armé de rumeurs obtenues, Dieu seul sait où, s'est permis de déclarer que Mme Munsinger venait de l'Allemagne de l'Est, était décédée et à l'emploi, à un moment indéfini, d'un groupement ennemi quelconque. Alors, c'est clair, Marc Laurendeau, la défense de Pierre Sévigné, on l'entend, elle consiste à crier à la manœuvre politique, politicienne, à dire aussi, cette histoire-là, c'est un tissu de mensonges. Et de fait, objectivement, Marc, il y a, on l'a déjà vu, oui, une forme de manœuvre politique, et il y a aussi des mensonges dans cette affaire. Oui, oui, oui. J'y viens à l'instant, mais je ne peux pas m'empêcher de souligner la qualité de l'écriture de Sévigné. Ouais. Avec le recul, c'est quelqu'un qui parlait bien, qui écrivait bien. Mais il y a, comme vous le dites, vous le soulignez clairement, la manœuvre politique d'un gouvernement Pearson qui a beaucoup de turpitudes à faire oublier, notamment la gestion de l'affaire Rivard, vous savez, ce grand caïd de la drogue. Pour échapper à sa détention, Passe-Muraille avait tenté de corrompre des officiers de justice, représentants de ministère, avait passé par plusieurs de ses contacts. Le ministre Guy Favreau avait mal paru contrôler son appareil bureaucratique dans cette affaire. Oui. Il a dû démissionner pour être remplacé justement par Lucien Cardin. L'heure de la revanche était sonnée. Alors, pour prendre le pouvoir 3 ans auparavant, les libéraux de Pearson avaient bassement monnayé l'appui de 6 créditistes. Une autre bombe qui allait leur exploser à la figure du gouvernement Pearson. Et on trouve, en revanche, faisons la part des choses aussi, là, dans l'exposé du colonel Sévigné, une grosse restriction mentale dans cette défense théâtrale et grandiloquente. Ah, de l'honneur du colonel entouré de sa femme et de sa fille qui l'embrasse à la fin. Il a bel et bien eu une relation intime de 15 mois environ avec Gerda Munsinger. Il se contente d'accuser Lucien Cardin, ses adversaires, de colporter des mensonges. Mais il n'a pas paru très diligent lui-même à s'informer du passé de cette personne devenue tout à coup si proche de lui. Vous appelez Pierre Sévigné colonel Sévigné. C'est vrai que c'est important. Il va d'ailleurs dans cette conférence de presse l'évoquer, ce passé de militaire qu'il a. Ça nous permet de le situer un peu mieux, cette langue qu'on a entendue, cette présence dans l'armée. C'est un héros de guerre. Qui est-il, Pierre Sévigné? Ah ben, on retient, c'est le colonel Sévigné. C'est comme ça que les Québécois l'appellent. Véritable héros de guerre. Totalement admirable sur ce point. Véritable artilleur, en titre. Peu après le débarquement, il s'illustre notamment dans la bataille de la Falaise. Là, il décime un régiment allemand en lançant des grenades dans toutes les directions à partir d'un char d'assaut. Et il a juste 27 ans. Il démontre ensuite de la bravoure et de l'audace dans plusieurs combats successifs. Il perd une jambe à la bataille du Rhin et il recevra les plus hautes décorations de la Pologne, de la Belgique, de la France, du Canada. On peut le croire quand il dit dans cette déclaration qu'en tant que patriote canadien, il n'aurait jamais transmis sciemment des secrets militaires à une espionne. Mais c'est sa prudence qui est en cause. Gerda Munsinger, qui est-elle, Marc Laurendeau? Son nom de fille, Gerda Hesseler. Elle est née en Prusse orientale, à Königsberg. Aujourd'hui, c'est Kaliningrad, en Russie. Père communiste militant, séparée de sa mère à 16 ans, Gerda vit à Berlin-Est. Elle s'accroche suivant les rapports avec un officier soviétique, vraisemblablement un agent des services secrets, qui l'a contraint à commettre des vols, à subtiliser des titres de transport en commun, de l'argent et à se livrer à la prostitution. Alors là, elle est arrêtée à la frontière américaine, elle est accusée d'espionnage et ça va la hanter. Elle travaille comme serveuse dans les bases militaires de l'OTAN, Garmisch-Partenkirchen, en Bavière. Là, sa beauté lui fait gagner des concours de popularité. Elle épouse un soldat américain et joueur de baseball, Michael Munsinger, qui ne réussit pas à la faire entrer aux États-Unis. Alors, elle est refusée pour cause, et je cite, de turpitude morale et par crainte qu'elle ne représente un risque pour la sécurité. Et comment réussit donc-elle, malgré tout, à se retrouver au Canada? Gerda Hesseler se voit aussi refuser l'immigration au Canada une première fois, sans doute à partir des mêmes dossiers de police. Mais elle va réussir à se faire admettre comme immigrante reçue en 1965 en inscrivant dans son passeport que le nom très différent de sa mère, Hager, et celui de son mari, dont elle a quand même divorcé, Munsinger. Et là, elle arrive par bateau. Elle a dupé les autorités. Et elle rencontre, évidemment, et dans quel contexte, Marc, à la fin des années 50, elle rencontre Pierre Sévigné. Il le disait lui-même tout à l'heure. Et, il vient tout juste d'être nommé ministre en août, et quelques jours après, il rencontre Gerda Munsinger lors d'une réception, c'est août 59, dans une réception organisée pour honorer le nouveau ministre à l'hôtel Mont-Royal de Montréal. Elle fait partie des demi-mondaines. Elle a 33 ans, il en a 45. Le contact se fait bien. Elle va le surnommer « Daddy ». Les rapports deviennent rapidement très intimes et, je le disais, vont durer 15 mois. Pierre Sévigné, à cause de l'enquête de la GRC, déclenchée par la demande de citoyenneté de Gerda Munsinger, voit son cas porté à l'attention du premier ministre John Diefenbaker, qui convoque Pierre Sévigné à son bureau. Et lors de l'entretien, Pierre Sévigny minimise la durée et l'intensité de sa relation avec Gerda Munsinger. Que va dire Gerda Munsinger de toute cette affaire? On l'écoute répondre aux questions du journaliste du Réseau anglais de Radio-Canada, Norman Depot, lors de la célèbre entrevue qu'elle lui accorde le 15 mars 1966. Eh bien, je pense que toute cette affaire est sale, elle est sordide, elle est cousue de mensonges. Cousue de mensonges. Est-ce que vous pourriez nous indiquer certains des mensonges dont on a fait état? D'abord, que vous êtes allé avec M. Sévigny dans des villes comme Boston ou Mexico? Je ne suis jamais allé avec M. Sévigny à Mexico ou ailleurs. On a dit aussi que vous étiez une sorte d'agent double, ayant travaillé peut-être pour les Soviets ou encore pour d'autres services de renseignement. Est-ce un mensonge aussi? C'est un mensonge. Je veux dire pourquoi. Tout d'abord, les Russes m'ont fait tellement de mal dans ma petite enfance que je ne voudrais jamais même lever le petit doigt pour aucun d'entre eux. Alors, est-ce que vraiment cette histoire n'est que mensonge, qu'elle est absolument sans fondement? Eh bien, il y a peut-être quelque chose, des petites choses. Bien sûr que je suis sortie dîner avec un homme. Oui, je suis sortie avec un homme pour jouer au golf, mais pourquoi pas? Après tout, je suis une femme. J'avais tous les droits de le faire, je suis une femme. Une femme aime vivre et j'ai mené la vie d'une femme normale. Et c'est ça que vous diriez si vous retourniez à Ottawa? Bien sûr. Alors, Gerda Munsinger, Marc Laurendeau, a la même défense que Pierre Sévigny, salissage, tissu de mensonge, mais quand même, on l'entend à la fin de l'extrait, elle va un peu plus loin que le colonel Sévigny pour ce qui est de la nature de leur relation. Oui, d'abord, elle s'affichait beaucoup, hein, alors, et c'est ça, c'est sa relation... Elle n'était pas discrète du tout. Non, sa relation était très connue, là, même dans le milieu de la pègre, les cabarets. William O'Brien, qui est le grand argentier de la pègre, il est au courant. Elle n'est pas discrète, elle en parle à tout le monde, et Sévigny s'affichait beaucoup. Et oui, elle va plus loin, comme vous le soulignez dans ses explications. Elle affiche beaucoup d'aplomb. Moi, je remarque au niveau de la forme. Elle se montre même frondeuse. Sans recours à la moindre langue de bois, elle retourne les questions du journaliste, écarte du revers de la main toutes les accusations. Elle nie tout. Elle dit « Je me comportais comme une femme qui est en présence d'un homme. » C'est tout. Ouais. Par ailleurs, à Ottawa, on revient au contexte politique, malgré cette version de Munsinger, de Pierre Sévigny, les doutes subsistent et Lester B. Pearson décide, le premier ministre, de commander une enquête, une commission d'enquête sur cette affaire. Les travaux de la commission vont durer 2 mois. Marc, comment ça se passe? Bien, c'est le juge Richard Spence de la Cour suprême, nommé à ce tribunal 3 années avant par Pearson lui-même, qui va présider l'enquête, entendre les témoins, plusieurs ministres, dont Pierre Sévigny, la GRC, une proche amie de Gerda Munsinger, qui s'appelle Jackie Delorme, est interrogée. Au bout de quelques mois, septembre 66, il publie le rapport. Ça va assez vite, quand même. Et puis la grande question, au fond, à laquelle doit répondre cette fameuse commission d'enquête, elle est double, cette question. Est-ce que Gerda Munsinger était une espionne à la solde des Soviétiques? Et est-ce que, aussi, sa liaison avec Pierre Sévigny posait un risque sur le plan de sécurité nationale? Je vous propose d'écouter, avant de parler des conclusions de la commission, Gaétan Legault, il est avocat, mais on l'entend dans cet extrait comme analyste. Et Gaétan Legault, dans cet extrait, commente le contenu d'un rapport des autorités allemandes au sujet de Gerda Munsinger qu'ils ont remis à la GRC. Le rapport principal nous dit ceci. En 1949, Gerda Munsinger était une espionne au service de la Russie soviétique. Et on se base soit sur son témoignage à elle ou sur de l'évidence, nous dit-on, qui tend, les mots sont importants, qui tend à corroborer son témoignage. Maintenant, ce qui peut nous laisser sceptiques, c'est que Gerda Munsinger, après 1949, a effectivement travaillé pour l'OTAN. Alors, ou les Américains sont des imbéciles, ils ne savent pas ce qui se passe, ou tout simplement, ils ont vérifié et ils ont réalisé que, de fait, elle n'avait pas fait d'espionnage. Il faut se rappeler la situation des deux Allemagnes en 1949, le brassage de population, les accusations, les déclarations qui se faisaient de part et d'autre. Alors, Marc Laurendeau, que va conclure la fameuse commission sur l'affaire Munsinger? D'abord, sur cette question fondamentale, est-ce que Gerda Munsinger est une espionne? Oui, bien, même si elle avait travaillé sur des bases de l'OTAN, quand même, les Américains avaient fait un rapport, les services secrets avaient fait un rapport sur elle, qu'elle avait empêché d'émigrer aux États-Unis et même au Canada une première fois. Et la commission Spence va se pencher sur ce rapport. Et voici ce qu'elle dit sur cette question que vous posez. C'est nuancé. Le juge Spence retient parmi les faits avérés, selon lui, que Gerda Munsinger avait travaillé en qualité d'hôtesse et de caissière dans diverses boîtes de nuit de Montréal et s'était livrée à la prostitution, je cite, de manière très active. Il note que le ministre Sévigny a eu avec Mme Munsinger, et je cite encore, des relations beaucoup plus étroites et beaucoup plus fréquentes qu'il voulait que son premier ministre ne l'apprenne, ni que la commission ne le constate. Bref, le ministre Sévigny a manqué de transparence. La preuve, dit le juge, n'a pas démontré que des secrets auraient été transmis ou que la sécurité aurait été mise en péril. Mais le ministre Sévigny, conclut le juge, s'est exposé au chantage de la pègre ou de services secrets étrangers. Il a manqué de jugement et aurait été congédié sur le champ s'il avait dit toute la vérité à son premier ministre. Quant à John Diefenbaker, la commission, le juge, lui décerne un blâme mitigé pour n'avoir pas demandé qu'on puisse plus loin l'enquête administrative, ni celle de la GRC. Ouais. Il aurait pu se montrer plus curieux, dit la commission, et ne pas croire simplement son ministre sur parole. Quel impact ça va avoir politiquement, le rapport est publié de la commission, quel impact ça va avoir politiquement cette affaire-là, Marc Laurent? Cela va provoquer un départ plus rapide du chef conservateur en 1967, déjà. Le redouté John Diefenbaker tirera sa révérence de force. C'était d'ailleurs un des buts de l'opération déclenchée par les libéraux. Pierre Sévigny, on va parler des deux principaux protagonistes. Commençons par M. Sévigny. Qu'est-ce qu'il deviendra à la suite de cette affaire Munsinger? Il enseignera les finances à l'Université Concordia, sera candidat en 1971 à la direction de l'Union nationale. Il tentera de former avec Camille Sanson en 1978 un parti de droite défendant les valeurs chrétiennes. Les démocrates. Il jouera dans un film. Lui qui, dans la vingtaine, avait un physique athlétique, celui de Clark Gable, il lui ressemblait d'ailleurs, s'est fait offrir de faire du cinéma, mais il avait été détourné de cette voie par son père, Robert Sévigny, qui avait d'autres ambitions pour lui. Son père, ancien ministre du cabinet Borden dans les années 10, avant la guerre, pendant la guerre aussi, ami de Duplessis et juge en chef de la Cour supérieure, aurait vu Pierre dans le droit et la politique. Pierre Sévigny, à la fin de sa vie, remarqué à l'hôtel Ritz de Montréal, en 79 en fait, par des producteurs, pour son allure de patricien avec sa prestance fière et noble soutenue par sa canne, figurez-vous qu'il va jouer dans un film avec Robert Mitchum. Dans les années 90... Il va réaliser son vieux rêve, finalement. Ben oui, la boucle est bouclée, en fin de compte. Dans les années 90, ultime honneur, il sera nommé compagnon de l'Ordre du Canada. Et Gerda Munsinger, qu'est-ce qu'elle devient? Elle est décédée en Allemagne, en 98, à l'âge de 73 ans, au terme d'un troisième mariage, mais sans publier le livre qu'elle menaçait de sortir sur sa vie tumultueuse et ses diverses rencontres, et qui aurait porté le titre à ceux que cela intéresse. Et qui aurait, j'en suis sûr, passionné Marc Laurendeau. Ah oui. Marc Laurendeau, journaliste, ami de l'émission, merci infiniment, Marc. Tout le plaisir est pour moi. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, stagiaire à la recherche Antoine Gauthier-Trépanier, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Guy Charbonneau. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.